Des médias étrangers ont traité largement la cinquième action pan-nationale déroulée le 26 novembre partout en Corée du Sud, comme Séoul, pour demander la démission de Bakounet. Ce sont l'AP, les journaux New York Times et Wall Street Journal des États-Unis, l'AFP, l'agence de presse Chine Nouvelle et le réseau information de Chine, les journaux Asahi Shimbun et Mainichi Shimbun et l'agence de presse Gyodo du Japon.